la lutte, avec des difficultés naturelles, allait véritablement commencer. Vers 11 heures, il fallut contourner les bords d'un petit lac. Au-dessus du lac s'étendaient de vastes lianes, hautes plaines couvertes de graminées où paissaient des troupeaux indiens. Les pentes devenaient déjà raides, pierreuses. La route devint difficile, périlleuse même. L'angle des pentes s'ouvrit davantage. Les corniches se rétrécirent de plus en plus. Les précipices se creusèrent effroyablement. Les mules s'avançaient prudemment, le nez à terre, flairant le chemin. On marchait en file. La végétation herbacée luttait encore cependant contre les envahissements de la pierre. Les approches du volcan d'Antuco se reconnaissaient à quelques traînées de lave d'une couleur ferrugineuse. Mais dans ces conditions, la route devenait difficile à reconnaître. Pendant une heure encore, le capataz erra pour ainsi dire à l'aventure, mais toujours en gagnant des zones plus élevées de la montagne. Finalement, le capataz refut d'aller plus loin. De l'autre côté de cette muraille, dit Cap Paganel, nous retrouverons les sentiers d'Antuco, et je me fais fort de vous conduire au bas de la montagne aussi directement que le meilleur guide des cordillères. Glenarvan régla donc avec le capataz, et le congédia, lui, ses péons et ses mules. Les armes, les instruments et quelques vivres furent répartis entre les 7 voyageurs. Les difficultés furent grandes, mais, après 2 heures de fatigues et de détours, Glenarvan et ses compagnons se retrouvèrent sur le passage d'Antuco. On monta pendant toute la nuit. On se hissait, à force de poignées, sur des plateaux presque inaccessibles. À 5 heures du matin, les voyageurs avaient atteint une hauteur de 7 500 pieds. Ils se trouvaient alors sur les plateaux secondaires. Là, bondissaient quelques animaux. C'étaient les lamas, animaux précieux des montagnes, qui remplacent le mouton, le bœuf et le cheval. Et vivent là où ne vivraient pas les mulets. C'était le chinchilla, petit rongeur doux et craintif, riche en fourrure, sur la cime des arbres, à la façon de l'écureuil. Cependant, ces animaux n'étaient pas les derniers habitants de la montagne. À 9000 pieds, des ruminants d'une incomparable beauté, l'alpaca et, fier, la vigogne.